Là où on vit, là où je vis, y'a rien de facile. Rien n'arrive en restant assis, chez nous le succès facile. Là où je vis, ça parle en cash, en ferme aussi. On y trouve en vente autant de drogue que dans une pharmacie. Ça s'arme aussi, mais je t'avoue, ça tire rarement. Kiffe tellement les belles salles, les belles femmes et faire de l'argent. Le mode de vie hygiène, traité d'indigène. Pour rester si zen, on n'inhale pas que de l'oxygène. 9-4 Val de Marne, salle des primes, scène de crime. C'est aussi des gens humbles qui essayent de rester dignes. Chez moi, les petits se tuent, les petites se prostituent. C'est ce foutu réel que sur ma feuille je restitue. Je viens de ces blocs peuplés de classes minoritaires. C'est pour nous qui créent des zones d'éducation prioritaire. Chez moi le stress s'appelle la pression, la maladie dépression, leur solution répression. Là où on vit, on fait toujours tourner du vrai son, pour que la basse vibre dans les caissons. Là où on vit, marre de vivre sous la pression, on va pas leur remettre face à l'oppression. Là où on vit, on reste violent sur la version, voilà des larmes de sang que nous versons. Là où on vit, marre de vivre sous la pression, on va pas leur remettre face à l'oppression. Là où je vis, arrête plus d'être footballeur, plutôt braqueur ou dealer. Où je vis, là où les tours te font peur, ça les prix d'assaut par les camins soifés d'euros. Où je vis, en HLM, là où la police n'a pas qu'en gros effectifs. Et c'est nos banlieues qu'on monte du doigt, à chacun de leur dérapage. Où je vis, là où la politique ne traîne pas plus d'un quart d'heure. Là où je vis, y'a pas une fille aussi mignonne que mon porte-monnaie. Là où je vis, ça hache des distributeurs de manière forte. Où je vis, brûle le feu rouge, le carjacking est d'actualité. Tout vient le 9-5 sort, retiens le bien, la prochaine capitale du rap français. Dans les ghettos, y'a des champions comme le remède Doudou Mastar qui tend encore la main. D'où je viens, c'est anti-Schmidt depuis ma naissance. Je pèse la répression et leurs autorités. Je connais la rue, je vis la discrimination, il subit l'oppression. Là où on vit, on fait toujours tourner du vrai son, pour que la basse vibre dans les caissons. Là où on vit, marre de vivre sous la pression, on va pas leur remettre face à l'oppression. Là où on vit, on reste violent sur la version, voilà des larmes de sang que nous versons. Là où on vit, marre de vivre sous la pression, on va pas leur remettre face à l'oppression. Là où on vit, faut des gonronnes, car notre jeunesse est blasée par trop de promesses. Les requins se reconnaissent, les regards obliques nous obligent à boire des cœurs en briques, car le taf nous oublie face aux problèmes de faciès. On vit au prospère, les bavures de la police, où la télé symbolise une France qui balise. Toujours pas habitué au rap Zouz, Renoir ou Métis, ou barburim avec terroristes, voire barbarie. On vit le shit est illicite mais pas le whisky. L'état nous shit dessus et nous baise, on peut pas vesqui. Plus d'MC pour crier l'orage, dis-moi il reste qui. Ressent le tonnerre d'un orage dans nos esquisses. Mon rap sans le bitume, mais qui le connaît mieux qu'un charclos. On se plaint par habitude, facile d'insulter Sarko. Mais on a plein de raisons, sauf un éclipse, bah bah. On représente la voix des bas-fonds. Là où on vit, on fait toujours tourner du vrai son, pour que la basse vibre dans les caissons. Là où on vit, marre de vivre sous la pression, on va pas leur remettre face à l'oppression. Là où on vit, on reste violent sur la version, voilà des larmes de sang que nous versons. Là où on vit, marre de vivre sous la pression, on va pas leur remettre face à l'oppression. Là où on vit, mec, c'est la pression. C'est la pression. C'est la pression. C'est la pression.